Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité, tome 12e des œuvres complètes, édition Guérin et compagnie, 1868. Markendanarchive.org, d'après abbaye saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Avertissement. Saint Augustin était encore jeune lorsqu'il commença ses livres sur la Trinité, laquelle est, dit-il, le Dieu souverain et véritable. Mais il ne les fit paraître que dans sa vieillesse, et vers l'an 411. Ce fut à la prière d'Aurel, évêque de Carthage, auquel il les adressa avec une lettre qui peut leur servir de préface. Cet ouvrage est divisé en 15 livres, et peut être regardé comme un traité complet sur cet ineffable mystère. Il est en effet tout ensemble dogmatique et moral. Saint Augustin commence par écarter toute idée de Dieu qui serait fausse et erronée, telle serait celle qu'on s'en formerait, en se le représentant, comme une substance corporelle, ou un esprit limité, et par conséquent imparfait. Car Dieu, ajoute-t-il, est infini, immense et incompréhensible. Dans les trois premiers livres, il prouve l'unité de l'essence divine, et la trinité des personnes. Le quatrième traite du mystère de l'incarnation, et le cinquième est la réfutation des principaux sophismes des hérétiques. Dans les autres livres, il tâche d'expliquer le mystère de la Sainte Trinité, et se sert pour cela de comparaisons tirées de l'homme. Quoique ces comparaisons soient, en elles-mêmes très imparfaites, elles ne laissent pas que de répandre quelque clarté sur un sujet si élevé au-dessus de toute intelligence créée. Cet ouvrage de Saint Augustin a toujours été cité avec éloge par toute l'Antiquité chrétienne, mais Cassiodore dit que sa lecture exige une forte application et une pénétration très grande, parce qu'il est d'une subtilité et d'une élévation singulière. On conçoit donc aisément toutes les difficultés d'une bonne traduction. C'est pourquoi en réclamant tout d'abord l'indulgence de mes lecteurs, je désavoue par avance toute expression qui ne rendrait pas entièrement le sens du saint docteur, ou qui pourrait n'être pas d'une exactitude rigoureusement théologique. Car sur ce mystère, comme sur tous les points de la doctrine chrétienne, je ne veux penser et parler que conformément à la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Signé, J. Duchassin. Livre 1er. Consubstantialité des personnes divines. L'autorité de l'Écriture établit l'unité de nature et l'égalité des personnes dans la Sainte Trinité. Explication de certains passages de l'Évangile qui semblent contredire la consubstantialité du Fils. Chapitre 1er. Trois sources d'erreur. Nécessité de purifier l'âme pour étudier la Trinité. Le lecteur de ce traité doit tout d'abord savoir que je me propose d'y réfuter les calomnies de ceux qui dédaignent de s'appuyer sur les principes de la foi, et qui se trompent ainsi et s'égarent en s'attachant trop prématurément aux lumières de la raison. Quelques-uns veulent appliquer aux substances incorporelles et spirituelles les notions que leur donne sur les êtres matériels l'expérience des sens, ou la vivacité de l'esprit, ou l'étude et l'observation, et même le secours des arts. Bien plus, ils prétendent juger de celles-là par les règles qui ne sont applicables qu'à ceux-ci. D'autres transportent en Dieu, si toutefois ils pensent à lui, les affections et les sentiments de l'homme, en sorte que cette première erreur les amène, quand ils discutent des questions de théodicée, à avancer des principes faux et erronés. Enfin, il en est qui s'élève au-dessus de toute créature, essentiellement muable et inconstante, pour atteindre l'être seul fixe et immuable, et arrive ainsi à la notion de Dieu. Mais, courbés sous le poids de la faiblesse humaine, ils veulent paraître savoir ce qu'ils ignorent, quoiqu'ils ne puissent savoir ce qu'ils veulent connaître. C'est pourquoi par la hardiesse et la présomption avec lesquelles ils soutiennent leurs opinions, ils se ferment les voies de la vérité, car ils préfèrent s'opiniâtrer dans leurs idées mauvaises plutôt que d'embrasser la doctrine contraire. Telles sont les trois sortes d'adversaires que je me propose de combattre. Les premiers imaginent un Dieu corporel, les seconds un Dieu spirituel, mais créé, et le comparent à notre âme, et les troisièmes, qui repoussent également un Dieu matière, et un Dieu créature spirituelle, professent aussi une doctrine entièrement erronée. On peut même dire qu'ils s'éloignent d'autant plus de la vérité, que leurs sentiments contredisent toutes les notions acquises sur les corps, les esprits créés, et le Créateur lui-même. Et en effet, celui qui donne à Dieu un corps blanc ou rouge, se trompe sans doute, et néanmoins ces accidents se rencontrent dans les corps. Celui encore qui attribue à Dieu les défauts et les qualités de la mémoire, ou de toute autre faculté de l'esprit humain, s'égare sans doute, et néanmoins ses attributs se trouvent dans tout esprit créé. Mais, au contraire, celui qui affirme qu'il est de l'essence d'un Dieu tout-puissant de s'être engendré lui-même, énonce une proposition fausse sous tous les rapports. Car non seulement cela n'est point vrai de Dieu, mais ne saurait même l'être des esprits, ni des corps, puisque rien de ce qui existe n'a pu se donner l'existence. C'est pour nous prémunir contre toutes ces erreurs que l'Écriture sainte, s'accommodant à notre faiblesse, a daigné employer un langage tout humain, afin de familiariser notre intelligence avec les attributs divins, et de l'élever ensuite comme par degrés au plus sublime mystère. Ainsi elle semble donner un corps à Dieu, quand elle met cette parole dans la bouche du psalmiste. « Seigneur, protégez-moi à l'ombre de vos ailes. » Psaume 16, 8. Ainsi encore elle attribue à Dieu certaines passions qui n'appartiennent qu'à l'esprit humain. Ce n'est pas que Dieu les ressente réellement, mais c'est que tout autre langage serait inintelligible. « Je suis un Dieu jaloux, dit le Seigneur, et encore, je me repens d'avoir créé l'homme. » Exode 20, 5, Genèse 6, 7. Quant aux choses qui n'existent point, l'Écriture s'abstient de leur emprunter aucune notion dont elle put tirer une parole, ou figurer un emblème. Ils s'évanouissent donc en leurs vaines et criminelles pensées, ces philosophes qui, sous ce troisième rapport, s'éloignent complètement de la vérité, car ils supposent en Dieu ce qui ne peut se rencontrer ni en lui, ni dans aucune créature. L'Écriture procède différemment, elle emploie les divers attributs des créatures, comme des joujoux qu'elle nous présente, pour se proportionner à notre faiblesse, et pour nous exciter à nous éloigner insensiblement de toute idée basse et terrestre, et nous élever jusqu'aux mystères les plus sublimes. Rarement aussi elle affirme de Dieu ce qui ne se trouve dans aucune créature. Ainsi Dieu dit à Moïse, « Je suis l'être », et il lui ordonne de dire aux Hébreux, « C'est l'être qui m'a envoyé vers vous, Exode 3, 14. Mais parce que dans un sens tout corps et tout esprit possède l'être, cette façon de parler nous avertit que Dieu est d'une manière qui lui est toute particulière. À Dieu seul, dit l'apôtre, appartient l'immortalité. 1 Timothée 6, 16. Et cependant il est permis de dire de notre âme qu'elle est immortelle. C'est pourquoi saint Paul, en affirmant qu'à Dieu seul appartient l'immortalité, nous fait entendre qu'il parle de cette vraie immortalité que ne peut posséder la créature et qui est l'attribut spécial de la divinité. Tel est aussi le sens de ces paroles de Saint Jacques. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, et descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de vicissitude. Jacques 1, 17. Le psalmiste dit également, les cieux périront. Vous les changerez, et ils seront changés. Mais pour vous, vous êtes éternellement le même. Psaume 101, 27, 28. Il nous est donc bien difficile de contempler et de connaître pleinement l'essence de ce Dieu qui, dans son immutabilité, crée les créatures muables et changeantes, et qui, dans son éternité, ordonne et dirige les mouvements du temps. Mais pour que l'œil de notre âme puisse arriver à l'ineffable contemplation de ces ineffables mystères, il est nécessaire qu'il soit purifié par la vision béatifique. Et parce que nous ne la possédons pas encore, la foi nous est donnée comme un guide qui nous conduit par des sentiers moins rudes et moins escarpés, et qui nous rend ainsi aptes et habiles à atteindre le terme heureux du voyage. L'apôtre savait bien qu'en Jésus-Christ sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science, et cependant il l'exalte aux yeux des nouveaux chrétiens, non en la puissance qui le rend égal à son Père, mais en l'infirmité de la chair qui lui a fait souffrir le supplice de la croix. C'est que ces chrétiens, quoique régénérés en la grâce de Jésus-Christ, étaient encore des enfants faibles, charnels et peu instruits dans les voies spirituelles. Aussi saint Paul leur dit-il, « Je n'ai pas prétendu parmi vous savoir autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié, et j'ai été au milieu de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. » Et un peu plus loin, il ajoute, « Et moi, mes frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des personnes encore charnelles. Je ne vous ai nourri que de lait, comme étant des enfants en Jésus-Christ, et non pas de viande solide, parce que vous ne pouviez les supporter. Et à présent même, vous ne le pouvez pas encore. » 1 Corinthiens 2, 2, 3, 3, 1, 2. Quelques ainsi rident d'un tel langage, et le repoussent comme gravement injurieux. Ah, ils préfèrent croire que nous ne parlons ainsi que par ignorance et impéritie, plutôt que d'avouer qu'ils sont eux-mêmes incapables de comprendre une parole plus élevée. Quelquefois aussi nous leur alléguons un raisonnement auquel ils ne s'attendaient point dans cette discussion, et quoiqu'ils ne puissent toujours le saisir entièrement, et que nous-mêmes ne sachions l'expliquer ni le développer dans toute sa force, il les contraint néanmoins à reconnaître combien ils sont peu fondés à exiger de nous des démonstrations qu'ils ne sauraient comprendre. Mais du moment que nous leur tenons un autre langage que celui qu'ils désiraient, ils nous regardent ou comme des gens rusés qui dissimulent ainsi leur ignorance, ou comme des jaloux qui leur envient le don de la science. C'est pourquoi ils s'éloignent de nous, l'esprit troublé et le cœur plein d'indignation. Chapitre 2. Plan de cet ouvrage. J'entreprends donc avec le secours du Seigneur, notre Dieu, d'exposer à mes adversaires, selon leurs désirs, les diverses raisons qui nous font dire, croire et comprendre comment en un seul et vrai Dieu existe la Trinité des personnes, et comment ces trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'ont qu'une seule et même nature, une seule et même substance. Au reste, je me propose bien moins de faire taire leur froide plaisanterie, que de les amener à proclamer l'existence de cet être qui est souverainement bon, et qui ne se révèle qu'aux âmes pures et dégagées d'essence. S'ils ne peuvent donc ni le voir, ni le comprendre, c'est que l'œil de l'homme est trop faible pour soutenir par lui-même l'éclat de la lumière divine, et qu'il a besoin d'être fortifié par l'exercice de la foi et de la justice chrétienne. Or il me faut en premier lieu prouver par l'autorité des saintes écritures la certitude de notre foi, et ensuite, avec l'aide et le secours de Dieu, j'aborderai de front ces 20 discoureurs en qui l'orgueil est plus grand encore que la science, et qui par là même n'en sont que plus dangereusement malades. Puissais-je en les faisant convenir d'un principe certain et indubitable, les convaincre qu'à l'égard des difficultés qu'ils ne peuvent résoudre, ils doivent accuser bien plus la faiblesse de leur intelligence, que la vérité elle-même, ou notre méthode de discussion. Alors, s'il leur reste quelque amour ou quelque crainte de Dieu, ils se hâteront de revenir aux principes et aux règles de la foi, et ils comprendront combien est salutaire l'enseignement de la Sainte Église. Et en effet, cet enseignement et les pieux exercices de la religion sont comme un remède divin qui guérit la faiblesse de notre âme, et la rend capable de percevoir l'immuable vérité, sans redouter qu'une folle témérité la précipite en des opinions fausses et dangereuses. D'ailleurs, je suis tout disposé à m'éclairer quand je douterai, et jamais je ne rougirai, si je m'égare, d'être ramené dans la bonne voie. Chapitre 3. Dans quelle disposition on doit le lire ? Quiconque lira donc ce traité, doit avancer avec moi quand il se sentira ferme et assuré, chercher avec moi, quand il hésitera, revenir vers moi, quand il reconnaîtra son erreur, et me redresser moi-même, si je me trompe. Nous marcherons ainsi d'un pas égal dans les sentiers de la charité, et nous tendrons ensemble vers celui dont il est dit, cherchez toujours sa face, Psaume 104, 4. Tel est l'accord pieux et sincère que je propose, en présence du Seigneur notre Dieu, à tous ceux qui daigneront lire mes ouvrages, et principalement ce traité où je défends l'unité des trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De tous nos mystères, il n'en est pas où l'erreur soit plus aisée et plus dangereuse, ni où le travail soit plus difficile. Mais aussi, plus que tout autre, il est fécond en fruits de salut. S'il arrive que quelques lecteurs, parcourant ce traité, s'écrient, « Voilà qui est mal dit, car je ne comprends pas. » Je le prie d'accuser l'imperfection de ma parole, et non la sincérité de ma foi. Au reste la phrase eût pu être, parfois, plus claire et plus précise, mais à qui est-il donné de se faire comprendre de tous, et en toutes sortes de sujets ? Je prie donc mon censeur d'examiner s'il saisit mieux la pensée de ceux qui passent pour savants en ces matières, et s'ils sont plus intelligibles que moi, je consens à ce qu'ils ferment mon livre, et même à ce qu'ils le rejettent. Car il doit de préférence donner son temps et son attention aux auteurs qu'il peut comprendre. Toutefois, il y aurait injustice de sa part à dire que j'eusse mieux fait de me taire, parce que je n'ai pu m'exprimer avec la même précision et la même lucidité que ses auteurs favoris. Et en effet, tous ne lisent pas tous les ouvrages qui se publient. Il peut donc arriver que des esprits capables de me comprendre lisent incidemment celui-ci, et ne puissent néanmoins se procurer d'autres traités plus simples et plus familiers. Ainsi il est utile que plusieurs auteurs écrivent sur le même sujet avec une certaine différence de style, mais en unité de foi, afin qu'un plus grand nombre de lecteurs s'éclaire et s'instruise. Car alors chacun peut choisir selon son goût et son inclination. Mais au contraire, si mon censeur a toujours été incapable de suivre sur ces matières une discussion sévère et approfondie, Il fera beaucoup mieux de désirer et de hâter le développement de son intelligence, que de m'engager au silence par ses plaintes et ses critiques. Peut-être aussi un lecteur dira-t-il, je comprends cette proposition, mais elle me paraît fausse. Eh bien, lui dirai-je à mon tour, établissez la vôtre, et renversez la mienne. S'il le fait en toute charité, et en toute sincérité, et s'il daigne, supposer que je vive encore, me communiquer ses observations, ce présent travail me deviendra très fructueux. Bien plus, à défaut de communication avec moi, je consens de grand cœur à ce qu'il en fasse part à tous ceux qui voudront les entendre. Pour moi, je continuerai à méditer la loi du Seigneur, si ce n'est le jour et la nuit, du moins pendant les quelques instants que je dérobe à mes occupations, et je confierai au papier mes pensées et mes réflexions, de peur que je ne les oublie entièrement. J'espère aussi que la miséricorde divine me fera persévérer dans une ferme adhésion aux vérités qui me paraissent certaines, et que si je suis dans l'erreur, elle me le fera connaître par de secrètes inspirations, ou par son enseignement public, ou même par les bienveillants avis de mes frères. Tels sont mes vœux et mes désirs, et je les dépose ici dans le sein de Dieu qui peut et garder en moi le trésor de ses propres dons, et remplir à mon égard ses consolantes promesses. Je n'ignore point que quelques esprits moins intelligents ne saisiront pas toujours le véritable sens de mes paroles, et que même ils me prêteront des pensées que je n'aurais pas eues. Mais qui ne sait que je ne dois pas être responsable de leurs erreurs? Et en effet, est-ce ma faute s'ils ne peuvent me suivre, et s'ils s'égarent, lorsque je suis contraint d'avancer par des sentiers obscurs et ténébreux? C'est ainsi que nul ne fait retomber sur les écrivains sacrés les nombreuses erreurs des divers hérésiarques. Et cependant tous s'efforcent de défendre et de soutenir leur système par l'autorité de l'Écriture. La charité, qui est la loi de Jésus-Christ, m'avertit et m'ordonne en toute douceur et suavité que si un lecteur me prête, en parcourant mes ouvrages, une proposition fausse qui n'est pas la mienne, et que cette proposition fausse en elle-même soit rejetée par l'un et approuvée par l'autre, je préfère la critique du premier aux louanges du second. Sans doute l'un me blâme injustement, puisque l'erreur n'est pas la mienne, et néanmoins en tant qu'erroné la proposition est blâmable, mais l'approbation de l'autre n'est pas moins injuste, puisqu'il me loue d'avoir enseigné ce que condamne la vérité, et qu'il applaudit à une proposition qu'improuve également cette même vérité. Et maintenant, au nom du Seigneur, j'aborde mon sujet.